Chapitre 8. Où je me rends plume. C'était à Guidel que je voulais écrire. Tout en me baignant, tout en dînant, et malgré le bavardage de Mademoiselle Fanchon, qui ne tarissait pas sur le compte de mon pauvre Joson, arrangé par elle à toutes les méchantes sauces, j'avais rappelé un à un les souvenirs de la nuit précédente. Il y avait là beaucoup de choses que je n'étais pas à même de comprendre, et j'avoue que l'aventure des volets fermés, derrière lesquels j'avais entendu mon nom et celui de Vie de Gousset, se présentait à moi un peu comme un rêve. Mais au milieu de ces brouillards, je distinguais du moins une menace de malheur qui me semblait très claire. Le neveu du curé, ce misérable Grippe-Soleil, avait parlé de mon brave oncle comme si c'eût été un défunt. Grippe-Soleil était parti de Guidel bien peu de temps après moi, mais il avait pu recevoir des nouvelles. Vivette avait-elle quitté la maison? Était-elle mariée? L'idée d'écrire était assurément fort bonne et toute simple. Seulement, il y avait une petite difficulté. Écrire à qui? Vivette ne savait pas lire, Monsieur Le Bihan n'avait plus son chapelain, le monsieur recteur de Guidel envoyait chercher à Lorient quand il recevait une lettre. Et certes, je ne voulais point m'adresser à ce Grigou de Merlin. Restait un pauvre petit vicaire, maigre comme la dent d'une fourche, et qui fourrait les croûtes dans ses poches percées quand mon oncle l'invitait à dîner. Il était savant, celui-là, et le Merlin l'accusait de mettre l'orthographe. Ce fut à lui que j'écrivis. On doit penser que je n'étais pas à l'aise pour glisser dans ma lettre quelques bonnes paroles d'amour. Aussi ne la fis-je pas longue, et tout de suite après, j'en commençais une autre. Celle-là brûlait de tout le feu que je n'avais pu allumer dans la première. Je m'y gênais d'autant moins que je désespérais de l'envoyer à son adresse, et vous savez comme on est hardi dans ces cas-là. Elle était pour Hermine. Je voulais décidément disputer Mademoiselle de Bois-le-Roi aux tristesses du cloître, et je rétablissais ici tout ce que j'avais sous-entendu en parlant de Vivette au vicaire. J'en arrivais à la phrase la plus ardente, la plus sincère et la mieux faite, quand on ouvrit ma porte sans frapper. C'était Fanchon, mon nouveau page, qui m'amenait Maître Patu. Figurez-vous un amour de 40 ans passés, tout blond, tout rose, tout frisé au fer à papillotes, et sentant si bon la pommade que sa seule approche donnait besoin d'ouvrir les croisées. Il entra en s'éventant avec son petit chapeau à trois cornes, et Fanchon, la gourmande, le suivit, écarquillant ses narines pour ne rien perdre de l'odeur. Elle en éternua en passant le seuil et s'écria, riant, comme toujours à pleine gorge, « Ça me fait penser à votre bêta de Pâteau qui s'est enrhumé hier au soir, que le patron voulait envoyer chercher la garde. » En France, chaque année a sa mode. Il y avait beaucoup de modes en 1772, mais la plus nouvelle était celle des coiffeurs. Jusqu'alors, on n'avait connu que les perruquiers. La dauphine, amoureuse des miracles de sa chevelure, avait abandonné les femmes pour prendre maître l'arçonneur, l'artiste de génie qui avait inventé la coiffure à la frégate, puis maître Léonard, son rival, qui fut le poète de l'air de tête à la déroute. Or, il se trouva que M. l'arçonneur, par goût, prêtait volontiers à la petite semaine et que maître Léonard, avant d'entrer en coiffure, tenait le métier de revendeur d'habits. Pendant 10 ans, tous les coiffeurs de Paris firent l'usure et la friperie. Ce n'était pas maître Patu qui échafaudait les beaux cheveux de la dauphine, mais il accommodait la Duté et la Prairie, deux reines pour rire, qui, au lieu de drager, croquaient des diamants. Il marcha vers moi en se dandinant d'un pied sur l'autre. Derrière lui, Fanchon traînait un paquet de nippes. « Eh bien, eh bien, eh bien !» me dit-il avec bonté quand il fut tout près de moi. « J'ai vu les deux bidets en passant. De rosse, jeune homme, mais ce sera un acompte. » Fanchon vit que je fronçais le sourcil. « Il est chevalier ? » dit-elle tout bas. « Et de Bretagne ?»« Bon, bon, bon !» fit maître Patu. Je l'appellerai monsieur le marquis, ce joli gentilhomme, s'il y met le prix. Est-il assez drôle ? Soupira ma chambrière. Ouvrez la toile, mamie, ordonna maître Patu, et cessons de plaisanter pour parler affaire. Monsieur le chevalier est juste de la taille de monsieur de Fronsac et de monsieur de Tavannes. Leurs défroques lui siéront comme sa propre peau. Je dois dire que monsieur le duc de Fronsac était haut comme ma botte, tandis que monsieur de Tavannes sot avait la stature d'un géant. Mais j'ajoute que les défroques de monsieur Patu n'avaient jamais appartenu ni à l'un ni à l'autre. Il déplia les deux suites, comme on disait alors à l'anglaise, spécifiant bien qu'il sortait de l'hôtel de Richelieu et de l'hôtel de Sceaux, où les valets de Fronsac et de Tavannes ne lui vendaient jamais une guenille, ayant été portée plus de deux fois. De fait, c'étaient deux accoutrements presque neufs et fort galants. J'essayai le premier venu, et aussitôt que je l'eus sur le dos, ma rosière s'écria en battant des mains à tour de bras. « Foi de fille d'honneur, Tavannes et Fronsac ont l'air de courteaux auprès de lui !»« N'exagérons rien !» conseilla Patu. « Voulez-vous vous regarder, mon prince ?»« Je veux bien me regarder, répartis-je, mais parlez le moins possible. »« Pourquoi cela ?»« Parce que je n'ai pas ma canne. »« Et qu'il serait obligé de dauber sur vous avec son plat d'épée !» expliqua Fanchon, qui se tenait les côtes. « Je vous dis que c'est un joli cœur, maître Patu, et vous allez lui faire un bon marché pour la peine qu'il vous arrive votre clou, sinon je vous ôte la pratique de la maison. » À dater de ce moment, Patu fut un modèle de réserve et de convenance. Je me trouvai réellement bien en Fronsac. Fanchon me tenait le petit miroir où je tâchais en vain de me voir du haut en bas. Le frac et la soubre-veste étaient souris effrayés. La culotte, fleur de pêcher, avec nœuds noirs et bas de couleur de chair, les nœuds de souliers pareils à la jarretière. Il y avait en outre une bourse des plus galantes et un chapeau de roi du meilleur goût. « Faut-il prendre cela, Fanchon ?» demandai-je, souhaitant la réponse affirmative. « Ah, je crois bien !» s'écria-t-elle. « Et l'autre aussi, vous ne pouvez pas rester sans rechange !» Le Tavannes m'allait encore mieux que le Fronsac. Je mis la main à la poche avant de marchander. Fanchon m'arrêta. « Nous avons en outre, me dit-elle, les manchettes et les jabots, l'épée, les deux montres et les bagatelles. Voulez-vous avoir l'air de quelqu'un, oui ou non ?»« C'est que je n'aurai pas de quoi payer tout cela, objectai-je. Comptez voir. Il me reste 130 louis. « Monsieur le chevalier, me dit Patu noblement, j'aurai l'honneur de vous faire crédit pour le surplus. Je fus au regret de l'avoir brusqué, ce petit homme. » Et notez bien que ma prodigalité n'est pas si folle que vous voulez peut-être bien croire. Je savais que de toutes les choses indispensables à Paris, la première était de faire figure. Je choisis une épée qui avait appartenu à la chevalière Déon. L'une des montres venait de l'infortuné monsieur de Lally, l'autre d'un neveu de Lebel. Celle-ci, outre la matière, avait donc une valeur historique. La tabatière d'or ornée du portrait de la Guimard sortait de la propre poche d'Ibrahim Effendi, qui n'avait pas osé l'emporter à Tunis de peur de ses femmes. Tout cela coûtait 600 pistoles au plus juste prix, et ce n'était pas cher, car il y avait un certain solitaire que Mademoiselle Bertin, la ministre des modes, avait donné, pour bon service d'État, à monsieur le duc de Nevers, et qui seul valait la moitié de la somme. « Maintenant, monsieur le chevalier, dit Fanchon, je vous prie de me donner 60 louis, et je vais régler votre compte. » Patu se redressa de son haut. Je mis 60 pièces d'or sur la table, pensant faire mon billet pour le reste. Mais Fanchon prit 10 louis, et dit au coiffeur des dames en poussant vers lui le surplus. « Voilà une bonne journée pour un perruquier. Allez friser le chien de la guerre. » La guerre était une autre déesse, dont le nevers marchait à quatre pattes. Maître Patu, qui avait fait d'abord mine de résister, prit les 100 pistoles et la porte. Alors Mademoiselle Fanchon se planta devant moi, les deux mains sous son tablier. « J'ai accepté 10 louis, me dit-elle, pour monter mon ménage un jour ou l'autre, mais sans cachotterie et comme une honnête fille. Les bijoux sont faux, les étoffes sont usées, mais tout ça a son brillant et sa tournure. C'est l'entrée en campagne. » Dans 15 jours, si vous êtes bon soldat, vous aurez du vrai à mettre à la place. » Elle me tira sa révérence et je restai tout pensif. quand elle fut partie, je voulus reprendre la suite de ma lettre, mais impossible. L'idée de faire un tour dans Paris avec mon nouveau harnais m'affolait. D'ailleurs, pourquoi se temps pressé d'écrire, puisque les hautes murailles du couvent des Feuillantines se dressaient entre Hermine et moi? Comment lui faire tenir ma lettre? D'autre part, en bonne foi, je ne pouvais pas me coucher avec les poules après avoir dormi toute la journée. Je sortis, et ce fut assurément le hasard qui me conduisit du côté de la Comédie italienne. On jouait Harlequin procureur, musique et paroles de je ne sais qui. Colombine était en scène au moment où j'allais prendre mon siège. Je dus pousser un cri fort inconvenant, car les yeux de toute la salle furent au même instant braqués sur moi. Dans cette Colombine, j'avais reconnu ma vicomtesse Catiche.